Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups. Bonsoir les Vosges, bonsoir l'Alsace qui nous écoute ou bonjour si vous nous écoutez le matin en rediffusion ou peu importe l'heure pour le podcast. C'est toujours avec plaisir qu'on fait cette émission avec vous et pour vous. Et pour l'émission de ce soir, on va parler d'art et d'un rassemblement d'artistes plus précisément. Et j'ai avec moi quelqu'un qui est bien connu de l'antenne mais pas de mon émission, c'est une première. J'ai avec moi Lucas Thiria de la Source des Artisans. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors, comme c'est une première dans l'Heure des Loups, bienvenue. Est-ce que tu peux brièvement te présenter aux auditeurs ? Alors, je suis Lucas Thiria, donc je suis vitrailliste. Donc, je travaille dans une catégorie métier d'art à Plombières-les-Bains. Et depuis maintenant quelques temps, on a créé une assoce donc, pour rassembler un peu tout le monde sur Plombières. On va parler, de toute façon, l'émission de ce soir est consacrée plus à ton association. Il me semble que tu es président de l'association, c'est ça ? Pardon, j'ai pas... T'inquiète, on va y revenir dans quelques instants, mais... oui, je disais, on va parler d'abord brièvement de ton travail. Donc toi, tu es vitrailliste, c'est-à-dire voilà. Que tu fais le travail du verre, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est-à-dire que je découpe le verre, je l'assemble, je le fonds, toutes les techniques du vitrail traditionnel ou plus récent, techniques plus récentes. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, je suis installé à Plombières depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, et mon premier morceau de verre, je l'ai découpé il y a maintenant 9 ans. Donc voilà, c'est assez récent quand même. Et en fait, ce travail de vitrailliste, c'est un hobby ou c'est devenu une passion qui a pris tout ton temps ? Au début, c'est un hobby, hein, c'est une envie de découvrir des choses, une envie de créer. Et ensuite, petit à petit, ça a monté en puissance, et puis après, voilà, ça est arrivé pour en faire un métier qui n'est pas à plein temps malheureusement, mais qui, voilà, c'est un métier quand même, ça reste un métier. Peut-être que vers la fin d'émission, on pourra parler encore du statut des artistes et aussi de la précarité en fait de ce statut-là. Mais si j'ai bien dit qu'il y a un thème pour ce soir, c'est l'association qui rassemble plusieurs artistes, alors entre autres de Plombières principalement. Ça s'appelle la Source des Artisans, je ne me trompe pas. C'est ça, la Source des Artisans. Donc ART apostrophe ISAN. Parce que c'est une association qui réunit les artistes et les artisans d'art à Plombières-les-Bains. Parce que nous sommes un bon petit groupe. Un bon petit groupe, en effet. On fera le listing des différents intervenants au sein de cette association. Ils n'ont peut-être pas pu, ils n'ont pas pu se déplacer, mais on leur fait un petit coucou s'ils nous écoutent. Et dis-moi, ça fait combien de temps que cette association a été créée ? Alors, cette association a été créée donc en 2017, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, 2017, oui. 2017, donc après la première exposition Érotiquart, dont on parlera peut-être tout à l'heure. On va aussi parler d'Érotiquart, c'est dans le programme, vu qu'il me semble que c'est lié avec le travail de ton association. Enfin, qui est à l'initiative, en fait, de la création de l'association ? Ben, c'est moi, donc, qui ai décidé, qui ai lancé d'une part l'exposition, et ensuite lancer l'idée de se regrouper. Parce que la première exposition avait bien fonctionné, tout le monde était ravi de la chose, donc j'ai profité de l'élan pour créer les SOS, quoi. Et ça a marché assez rapidement. Enfin, les autres artistes se sont greffés assez rapidement sur le projet. Ça a été assez rapide quand même, hein, puisque ça fait un petit peu plus d'un an maintenant et tout le monde est adhérent à la SOS, donc c'est déjà pas mal, hein, quand même. Et puis le fait que c'est une petite équipe sympathique et puis que c'est quand même fait pour nous faire connaître, pas spécialement un atelier ou un autre, c'est pour l'ensemble des ateliers. Donc tout le monde y retrouve un petit peu d'intérêt, quoi. Oui, donc tu as touché quelque chose. Le but, en fait, de la création de l'association, c'était quoi? C'était de vous rassembler, de vous faire connaître en tant que collectif d'artistes. Oui, c'est ça, oui. Oui, principalement, se faire connaître et surtout pouvoir travailler ensemble, sur des projets ensemble, quoi. Hein, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début. Hein, tout n'est encore pas cadré, tout n'est pas... Mais voilà, ça va commencer à se mettre en place tout doucement, quoi. Oui, vous allez tout doucement vous mettre à travailler entre artistes pour des projets communs. Ouais. On en saura, j'imagine, plus, vu que je rappelle aux auditeurs. Ah non, je ne l'ai pas encore dit, vous avez une page Facebook, hein, La Source des Arts apostrophe Isan, enfin A-R-T apostrophe I-S-A-N-S. De toute façon, je le rappellerai en fin d'émission et la page Facebook sera taguée dans le podcast de l'émission après, une fois que l'émission aura été publiée. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, Mademoiselle Lou a encore loupé le fil. Donc le but, en fait, c'est vraiment de vous faire connaître, parce que ici, en tant qu'artiste, ou du moins à Plombières, c'est difficile de se faire connaître, de se faire comprendre. Bah, disons que il y a quelques-uns qui sont déjà depuis fort longtemps sur Plombières. Donc ceux-là, bon, les gens les connaissent. Mais c'est vraiment montrer qu'il y a un groupe qui existe. Et que ça fasse une certaine énergie, quoi. Le but est vraiment de rassembler, de faire venir du monde, que ce soit des visiteurs, mais également aussi faire venir après d'autres artistes et d'autres artisans, quoi. C'est vraiment pour créer quelque chose de plus fort, quoi. Oui, toujours un collectif d'artistes pour se soutenir, pour se serrer les coudes. Mmh. Et tant qu'à faire, au sein de ce collectif, de cette association, est-ce que tu sais à peu près combien vous êtes? Alors, sur Plombières, donc, on est une quinzaine, enfin 15 exactement, plus... Ouais, disons 15 et demi, enfin 16, parce qu'il y a une personne qui vient de s'installer sur Plombières, mais pour l'instant il a un atelier sur Montureux-sur-Saône, il sait encore pas trop comment ça va se passer, mais bon, il est régulièrement sur Plombières, donc un plasticien qui est là, et puis 15, et après on a d'autres personnes qui ont adhéré suite aux expositions Eroticar, qui ont adhéré à l'association. Et qui, pour certains, sont intéressés, si ça se développe un peu, de venir à Plombières, parce que ça leur plaît bien, le lieu plaît bien. Et oui, tu m'as bien fait comprendre, hein, initialement, l'association a été créée à Plombières en 2017, donc c'est tout frais, hein, là. Ouais. Elle a déjà soufflé sa première bougie ou pas encore? Oui, c'était au printemps 2017. Et oui, donc, initialement, créée à Plombières, c'est quand même un petit peu étendu, vu qu'il y a d'autres artistes, d'autres secteurs qui se sont greffés dessus. Donc, si c'est possible de se greffer dessus, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, des artistes... Qui n'attendent que de rencontrer d'autres artistes, qui aimeraient peut-être savoir quelles sont les conditions pour y entrer. Voilà. Bah, les conditions, voilà, c'est simplement de souscrire à une petite à la SOS avec une petite cotisation, hein, qui est de 10 €, ce qui n'est pas énorme. Et il faut partager évidemment les mêmes passions, les mêmes métiers, quoi, voilà. Que ce soit artisan d'art ou artiste. Ensuite, il faut savoir que la SOS va travailler principalement pour les gens de Plombières, hein, c'est vraiment... Mais après, les autres artistes soutiennent bien souvent ce que l'on fait, et après, bon, c'est des relations, hein, c'est-à-dire qu'on a... On a des relations avec d'autres groupes d'artistes sur Saint-Dié, sur la Meurthe-et-Moselle, enfin voilà, c'est vraiment pour créer ce phénomène, cet effet de groupe qu'on a créé cette association. C'est en effet pour cet effet de groupe et on va commencer à parler de quelques artistes qui font partie de l'association parce qu'après tout, parler de toi et de l'association c'est bien mais peut-être que les auditeurs se demandent qui en fait partie pour savoir quelle est comment dire, la variété du panel d'artistes que réunit l'association La Source des Artisans. Donc on va en présenter quelques-uns quand même et puis après on aura droit à une petite pause musicale. Mais avant tout, qui peux-tu me présenter? Alors tu m'as donné une petite liste histoire que j'arrive visualiser à suivre aussi, un peu, oui, que je visualise. Alors on va commencer par quelqu'un qui est déjà passé aussi, alors je crois dans l'émission à Mika. Mika, si tu nous écoutes, coucou. Alors avant tout, oui, Innocent Tiendebeogo. Tiendebeogo, Beogo, pardon. Exact. Alors qui est-ce? Alors Innocent, c'est un bronzier donc qui fait des bronzes de façon traditionnelle, puisqu'il est originaire du Burkina Faso. Et donc, maintenant, il habite à Plombières. Et il continue la tradition de son pays, qui font beaucoup de bronzes là-bas. Donc, la plupart du temps, c'est des modèles uniques, puisque c'est du travail à la cire perdue. Donc, le modèle disparaît une fois qu'il est coulé, quoi. Enfin, la cire, elle est fondue, donc on ne peut plus refaire la même chose. Donc, voilà. Donc c'est plutôt des sculptures, si j'ai bien compris. Oui, c'est plutôt concret, abstrait. C'est beaucoup sur les thèmes africains de chez lui. Hein. Il rappelle beaucoup ce qui se passe chez lui. La famille, les femmes, enfin voilà, c'est vraiment... ça reste très traditionnel. Oui, très traditionnel pour sa culture. Et puis, c'est un moyen de découvrir aussi l'art de faire le bronze de manière traditionnelle au Burkina Faso. C'est une forme d'ouverture culturelle et de découverte. Et lui, il a intégré tout de suite l'association. Oui, bien sûr. Il est là depuis le début. Hein. C'était mon voisin d'atelier avant. Et donc, il est reparti après chez lui. Il n'a plus d'atelier. Il n'y a plus de boutique, si on veut. Mais sinon, il travaille chez lui. Et il fait quand même quelques essais maintenant. Il fait quand même quelques sculptures qui sont un peu plus... moins traditionnelles, quoi, avec des formes beaucoup plus différentes. J'imagine qu'il a peut-être une page Facebook. Oh, quoique, j'irai chercher tout ça fin d'émission. Je ne suis pas très spécialiste des réseaux. Mais, mais ça, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, si jamais on ne trouve pas, il y aura toujours la page Facebook de La Source des Artisans pour avoir au moins une base, une première approche. Et on va présenter un deuxième artiste avant la pause musicale. Il s'agit de Patrick Staravaski. Oui, alors Patrick Staravaski qui se présente surnomme Pasqui, de son nom d'artiste, a lui une galerie donc juste à côté de mon atelier également, donc qui est donc un peintre, un plasticien qui travaille sur beaucoup de supports. Il travaille beaucoup à l'acrylique, sur des sujets. Il travaille bien souvent sur des thèmes. Là, il avait fait des thèmes de robots, enfin, etc. Et il a une autre casquette. C'est un écrivain. Il fait des livres beaucoup sur les jouets anciens, les choses comme ça, ainsi qu'un livre qu'il a fait sur la femme à barbe. Voilà. Ah oui, une démarche un peu féministe, il me semble. On en parle un petit peu de la femme à barbe à nouveau. Oui, il l'avait fait parce qu'elle était passée à Plombières. Elle avait une boutique à Plombières, donc voilà. Mais l'histoire de la femme à barbe, histoire de rafraîchir un petit peu la mémoire des auditeurs et la mienne, bien entendu, elle a vécu donc, dans le secteur durant le 20e, c'est ça, 20e siècle? C'est une bonne question, j'ai pas lu son livre. On pourra toujours aller chercher le livre de Patrick Staravaski. Staravaski, voilà, ça c'est quand on prend pas le temps de lire ses notes. Et on va présenter un autre artiste après la pause musicale. C'est déjà le moment de s'écouter un peu de musique. On va commencer soft avec le morceau Work of Art de Wankelmuth. Donc on s'écoute ce morceau. C'est une découverte un petit peu pour tout le monde, j'imagine, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. And with the our time we spent. We got enough to make a start. So when you think about us, I get the feel of a rush of what will happen in the dark. We can be free. So take my body and leave, and you can use it all you want. You and me are probably gonna be in love. I said you and me are probably gonna be in love. I said de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, interagir en direct avec mes invités, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. D'ailleurs, on a le bonjour d'une auditrice, Zolveig d'Alsace. Bonjour Zolveig. Oui. Oh, ah, bonjour. Comme ça, si jamais elle passe régulièrement le bonjour, enfin voilà. D'accord. et le morceau qu'on a écouté à l'instant, c'était Work of Art de Wankelmuth, entre autres, et Alexander Tiderbrink. Et forcément, si j'ai passé ce morceau, c'est parce que on est là pour parler d'art, on est là pour parler d'un collectif d'artistes, toujours avec Lucas Tiria, qui fait le travail du verre, hein, t'es vitrailliste. Mais à côté, tu es quand même président, si je ne me trompe pas, ouais, de l'association La Source des Artisans, président et créateur, hein, cette association qui existe depuis 2017. Donc on va continuer de présenter quelques artistes, on va peut-être parler d'autres choses et on essaiera de présenter tout le monde, histoire que les auditeurs aient une idée un petit peu du panel des différents auditeurs, artistes. Voilà. Ça, c'est quand on parle trop vite. Et puis voilà, donc on a présenté juste avant un bronzier qui fait le bronze de manière traditionnelle du Burkina Faso, pays duquel il est originaire. Et aussi, on a présenté Patrick Staravaski, dit Pasqui, qui est plasticien et écrivain, entre autres. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, hein, je ne pourrais pas faire le listing à chaque fois. Mais là, personne suivante est Youssef El Saleh. Qui est-ce donc ? Alors, Youssef El Saleh est donc un artiste peintre et sculpteur. Il travaille beaucoup sur des morceaux de bois donc, qu'il récupère et qu'il retravaille et où il enlève ou il complète suivant son œuvre qu'il veut réaliser avec de la résine. Ensuite, il peint sur ce morceau de bois un fond, blanc ou noir, et ensuite il fait plein de petits personnages, plein de petits points pour réaliser son œuvre. C'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment un travail minutieux et très très long et très et ça donne un résultat vraiment très très beau quoi. C'est vraiment très très bien. Oui, ce sera l'occasion de voir ça, j'imagine, pendant des expositions. On en parlera un petit peu plus tard dans l'émission s'il y a des expositions. Un autre, cette fois, on va changer de catégorie, même si, d'après ce que je vois, d'après la feuille, c'est quand même assez varié. Cette fois, on va parler d'un photographe qui s'appelle Arnaud Caranta. Il s'est spécialisé dans un style précis de photographie. Alors Arnaud, lui, il fait des photos, il y va par série, il a fait toute une série de ponts, il a fait des séries en Amérique du Sud, il a fait des séries, c'est vraiment, il prend beaucoup de maisons et des personnages, mais pas vraiment dans des poses, c'est un artiste assez décalé. On va dire. Et vraiment une façon de prendre ses photos qui sont... Et comment dirais-je, il retouche pas ses photos. Il faut qu'il réussisse à prendre la photo comme il veut. Et bien souvent, il retouche quasiment pas ses photos, quoi. Et d'ailleurs, lui aussi, il est là depuis le début. Alors lui est arrivé un petit peu après, mais au niveau de la sauce, il était là quasiment au début aussi, ouais. Puis maintenant, on va parler d'une céramiste qui s'appelle Laurence Ballandier. Qu'est-ce qu'elle fait en fait en céramique, vu que on peut faire énormément de choses. Elle fait pas mal de choses. Bon, tous les petits objets, les petits récipients qu'on peut faire, etc. Beaucoup des objets de table, mais pas pour manger dedans. C'est plus des objets de décoration. Mm-hmm. Hein, voilà. Ensuite, il y a des travaille sur des poules, beaucoup sur des petites poules, des choses comme ça. C'est assez c'est original, c'est sympa. Son atelier s'appelle Blanc d'Argile, et ça reste toujours sur des objets qui sont blancs, un petit peu patinés, avec une sorte de patine, si on veut, certaines couleurs qui est son style et sa marque de fabrique. Quoi. D'ailleurs, tant que j'y pense, en fait, tous ces artistes, ils ont déjà chacun leur atelier, en plus de faire partie de l'association. Alors, il y en a qui ont leur atelier donc dans la ville de Plombières, mais comme Innocent par exemple, lui a son atelier mais chez lui quoi. Il n'a pas de lieu de, même s'il a quelques pièces qui sont chez moi ou chez le potier ou à l'office du tourisme, voilà. Mais je dirais il n'a pas de boutique dans Plombières quoi. Mais sa maison il habite à Plombières quoi. Ce que tu m'as dit, tous les artistes n'ont pas forcément d'atelier ou de boutique. Innocent n'a pas de boutique non plus. Non, il n'a pas de boutique lui. Non, ils sont quelques-uns à avoir de boutique au centre-ville, je dirais. D'accord, voilà. Mais peut-être tu pourras toujours m'arrêter si je me trompe. Le fait de faire partie de cette association, ça peut aussi permettre de faire une espèce de lien, de médium Oui, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour ça. Ensuite, là, actuellement, nous sommes... la chose est chez l'imprimeur, c'est-à-dire qu'on a créé un plan pour situer justement toutes les personnes à l'intérieur de la ville et à l'extérieur de la ville. Tous les différents ateliers pour pouvoir faire une espèce de petit rallye des artistes de Plombières. Oui, oui. Assez intéressant, ça. Peut-être qu'après l'émission, on mettra aussi la carte en pot. Enfin, pas en podcast, le lien. Non, on ne pourra pas, parce que je n'ai pas les éléments. Mais on trouvera un moyen de transmettre la carte. On trouvera un moyen, peut-être. Oui. On a d'autres artistes à présenter, vu qu'on a quand même... Là, j'ai une liste de 15 personnes, mais il y en a plus. Là, tu m'as indiqué surtout les artistes qui sont sur Plombières même, qui font non seulement partie de l'association, mais en plus, en gros, ils vivent là-bas où ils ont un atelier, une boutique. Vraiment, des ponts de vinois. Donc, le prochain, ce serait un tourneur sur bois qui répond au nom d'Achille Création. Voilà, Achille Création, donc c'est le petit dernier, hein, d'ailleurs, c'est le dernier qui est arrivé sur Plombières, qui fait donc lui qui a une boutique au centre-ville, et qui fait du tournage sur bois, beaucoup pour faire des lampes, etc. Donc il associe plusieurs matériaux, entre le bois, enfin voilà, il associe pas mal de choses, et dans sa boutique, il y a bah, toutes ses pièces, enfin une partie de ses pièces qu'il fabrique, etc. Mais également, lui, il a la particularité de pouvoir, il invite des autres artistes de la région. Donc il y a toujours un ou deux artistes dans son atelier qui présentent des toiles ou des autres objets, enfin, etc. Et généralement, Jonathan Villemain, il fait plutôt du figuratif, de la déco, de l'abstrait. C'est plus de la déco, hein, lui. C'est vraiment des objets. Il travaille beaucoup sur les lampes. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est pour un tourneur sur bois. Et on va passer à un autre, à Angélique Thiébaud, qui fait du canage-paillage. C'est quoi? C'est faire de la sculpture sur paille, hein? Ah non, pas du tout. Le canage-paillage, ça fait partie des métiers d'art. C'est de la fabrication de chaises. Le canage, donc tresser le... Alors, je ne sais plus ce que c'est comme matière. Ce n'est pas de l'osier, mais c'est du... Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, elle tresse sur les... Elle fait les assises de chaises, les dossiers de chaises, etc. Que ce soit en paille ou en autre matière que je ne sais plus. Donc, voilà. Elle, c'est vraiment un métier qui est artistique quand même, parce qu'elle fait des très belles choses. Il y a différentes façons de tresser pour obtenir le résultat, quoi. Et ce qu'elle fait aussi, c'est pas une sorte de restauration de meubles anciens? Elle peut restaurer évidemment des chaises, principalement des chaises, hein, c'est bien souvent des chaises en canage, quoi. Ça, elle sait faire la restauration, oui, tout à fait. Et elle fait aussi à côté des œuvres d'art, elle les fabrique elle-même ou c'est... Elle fait des petits objets pour vendre comme ça. Mais je sais que pour l'expo Erotica, plusieurs fois on a essayé de lui demander. Bon, pour l'instant, elle n'a encore pas... réussi à... Enfin, voilà, il faudrait qu'elle trouve une idée. Et puis quel est le temps aussi, parce que bon, c'est pas toujours facile, hein. Oui, en effet. Et je rappelle aux auditeurs qu'on fera aussi un lien entre l'association que tu présides et Eroticar. Mais on continue toujours notre listing d'artistes. D'ailleurs, on fera peut-être une petite pause sur le listing. Mais on va parler d'une personne qui confectionne des sacs et qui s'appelle Angélique Prieto. Mmh. Oui, donc elle travaille le cuir, hein. Le cuir et d'autres matières qui sont faites pour le sac, que ce soit tissu ou des imitations de cuir, voilà quoi. Donc elle confectionne ces sacs. Ça fait longtemps qu'elle fait partie de l'association? Elle était là, la première édition d'Erotikar, donc quasiment depuis le début, quoi, oui, bien évidemment, ouais. En effet, depuis le début, comme je rappelle aux auditeurs que l'association s'est créée pendant le printemps 2017, donc elle a déjà soufflé sa première bougie. Et tant qu'à faire, hein, on fait une petite pause sur le listing des artistes et on va parler du lien avec Erotikar, entre l'association et Erotikar. Il me semble que Erotikar en était à sa première édition l'an dernier, ou je me trompe peut-être. L'an dernier, oui, donc ça a commencé en 2017. Oui. Donc c'est un peu l'origine de l'association. Quand j'ai demandé à ce qu'on fasse une expo comme ça, quand j'ai diffusé l'idée, l'idée de l'association était quand même un petit peu derrière aussi, mais voilà. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'exposition. Donc c'est une exposition qui se passe en février, donc qui a eu donc lieu en 2017 et 2018. Et qui devrait avoir lieu en 2019. Une association qui réunit donc toujours dans le même principe, c'est-à-dire les artisans d'art et les artistes. Donc il y a différentes techniques qui sont présentées. Et donc voilà, c'est autour de l'érotisme, donc chacun choisit son sujet, enfin voilà. Oui, donc il y a plusieurs artistes et artisans, comme tu le disais, oui, qui sont présents. Le fil d'Ariane étant l'érotisme. Mmh. Mais même si c'est l'érotisme, ça reste accès à tout public ou quand même pas? C'est-à-dire que la première année, il n'y avait pas trop de soucis. La deuxième année, la première année, on avait 22 artistes et artisans donc présents. Alors, quand la deuxième année, on est passé... on a doublé quasiment, on était à 43, je crois. Donc là, forcément, il y a eu des artistes où ça a été un petit peu plus litigieux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé une salle spéciale pour ce qu'on pensait être un peu plus osé, quoi. Donc en mettant donc des indications comme quoi c'était... Voilà. Chacun prenait ses responsabilités entre. Mais ça reste quand même malgré tout assez soft. Hein. Bon, il y avait peut-être un ou deux tableaux qui étaient un petit peu effectivement limite. Ouais, ça aurait pu être classé dans une autre catégorie, mais voilà. Mais globalement, l'accueil est plutôt bon pour les éditions d'Erotica. Bah, l'accueil est correct, oui, tout à fait. On a eu plus de visiteurs. Bon, ça reste encore à progresser. Hein. Bon, bah, c'est toujours. On est comme dans une association, il faut tout faire, quoi. Donc, il faut faire la promo, il faut faire nos pièces à nous pour présenter, etc. Ça demande beaucoup plus le travail qu'on a à faire dans l'atelier en temps. Donc, ça reste beaucoup de travail. Il faudra peut-être qu'on s'étoffe un petit peu avec des bénévoles, enfin qu'on ait un petit peu plus de monde pour nous aider. Après, voilà, c'est surtout au niveau de la promo où on pêche un peu, quoi. C'est-à-dire l'événement a un petit peu de mal à se faire connaître encore. Oui, ça commence. Malgré que lorsqu'on en parle à d'autres artistes, la plupart du temps, les gens disent « Ah oui, j'en ai entendu parler quand même ». Donc, il y a quand même un petit truc qui se passe quand même. Avec le bouche à oreille. Voilà, ouais. Et après tout, hein, c'en est à ses débuts. J'espère qu'Eroticar continuera à prospérer. Et c'est porté, entre autres, par un collectif d'artistes. Hein. C'est bien quand les artistes se rassemblent. L'artiste et l'artisan. Hein, artiste et artisan, voilà. C'est vrai, tu fais bien de me rectifier. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas tous les jours facile d'être un petit peu tout seul. On a tendance à croire qu'on est un petit peu seul dans son coin, seul au monde. Et c'est presque le titre de la pause musicale suivante, un morceau de Pink Floyd, Is There Anybody Out There, qu'on va s'écouter tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez interagir avec mon invité ou avec moi-même, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gemozo ou par le téléphone en 03 29 62 40 40. La ligne est ouverte. Le morceau que vous avez écouté à l'instant est Is There Anybody Out There de l'album The Wall de Pink Floyd. Et je suis toujours avec Lucas Tiria, qui est vitrailliste et entre autres, surtout, président de l'association La Source des Artisans de Plombières, qui est le thème de l'émission de ce soir, mise en avant de ton association. On a parlé juste avant la pause musicale, en fait, du lien entre Érotic Art et ton association. C'est important de parler des différents projets et des différents événements organisés par l'association. On va peut-être continuer un petit peu le listing des artistes. Peut-être qu'on ne va pas arriver jusqu'au bout, mais on va faire ce qu'on pourra pour présenter tout le monde. Donc, on va continuer par présenter Gérard Barnet. Alors, Gérard Barnet, c'est, je crois, le plus ancien. Peut-être avec la tisserande, je ne sais pas trop les dates, mais enfin voilà. Je pense que c'est le plus ancien qui était installé à Plombières, donc qui est potier, voilà, et qui fait des pots, des cruches, des bols, enfin voilà, tout ce que fait un potier, vraiment d'une façon très, très traditionnelle. Donc ça c'est vraiment plutôt pour la maison que pour la déco. Oui, bah ça peut aussi, c'est des beaux objets hein, quand même. Hein. Oui, ça reste... un bel objet décoratif, mais qui est utile, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est bien de lier l'utile à l'agréable en ayant un objet utile et beau, littéralement. S'il y a quelque chose qui est... on ne peut pas dire pas utile, mais qui est un petit peu... qui ne passe pas trop au lave-vaisselle, c'est bien la peinture, avec le travail de Corinne Jahin, ouais. Dit Coriandre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait comme peinture? Alors, c'est... je dirais pas c'est de la peinture abstraite, parce que je me suis fait engueuler une fois en disant ça. C'est vrai que, bon, voilà, c'est une peinture assez moderne, hein, très... beaucoup de mélange de couleurs et de... voilà, c'est... Il faut voir. Donc, elle a une galerie juste en dessous de chez elle, qui est sur la route de la rue Léopold, en montant la route d'Épinal. Voilà, et c'est une artiste qui était sur Paris avant, qui est venue sur les Vosges. Voilà. Donc ça c'est pour elle, et vu qu'elle ne fait pas de l'abstrait, mais est-ce que tu peux décrire un petit peu aux auditeurs à quoi ressembleraient ses œuvres? Non, c'est très difficile, franchement, c'est beaucoup de... quand on regarde une première comme ça, c'est beaucoup de tâches, de mélange de couleurs, vraiment, travail de... voilà, elle part bien souvent, d'après ce que j'ai compris, sur un thème, et ensuite elle rajoute beaucoup d'autres choses. Enfin voilà quoi, ça. Faut venir voir à Plombières. Oui, c'est ce qui concerne le travail de Corinne Jahin, dite Coriandre. Et bon, il y a la peinture d'un côté et la majeure partie du temps, on peint sur des toiles, sur du tissu. Et on a quelqu'un qui est tisserande. D'ailleurs, ça concerne aussi légèrement l'histoire de notre secteur. Il s'agit de Lina Lundqvist. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle fait du tissage, donc elle fait beaucoup de tapis, de serviettes, enfin des choses comme ça, mais donc tout fait sur des métiers à tisser manuels, hein, donc voilà. Et donc elle fait pas mal de stages, et elle travaille beaucoup aussi avec d'autres métiers, donc à tisser, enfin d'autres personnes qui font du tissage, puisqu'elle fait, si on veut, les grossistes, enfin grossistes, elle revend du matériel également, que ce soit des métiers à tisser ou des produits pour tisser. Et ce qu'elle fait, c'est plus du linge de maison, une œuvre d'art, ou ça peut être les deux comme pour Gérard Barnet? C'est plus des objets... oui, moi, ce que j'ai vu, c'est plus des objets un peu utilitaires aussi. Hein, c'est voilà, ça reste. Mais elle sait aussi faire des très belles choses. Hein, c'est vraiment très original comme c'est vraiment des choses uniques de toute façon. Oui, parce que je le rappelle, l'association La Source des Artisans, située à Plombières, hein, c'est un collectif d'artistes et d'artisans, parce qu'après tout, un artisan est aussi un petit peu artiste dans l'âme. On va présenter une dernière avant de passer, quoique on a peut-être encore le temps, une plasticienne répondant au nom d'Anne Axer. Alors Anne Axer, elle est un peu touche à tout, je dirais. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de... Elle fait de la peinture. Hein. Elle avait une formation à l'école d'art. Ensuite, elle fait de la peinture. Elle fait du modelage. Elle fait un petit peu de sculpture également. Elle taille un petit peu la pierre. Là, actuellement, elle travaille beaucoup sur des bijoux. Les bijoux soit en verre avec, en association avec moi, ou soit en pierre, ou en d'autres matières. Et puis également, elle fait des bandes dessinées. Oui, donc elle est touche à tout. Ouais. Elle est touche à tout, comme après tout, il est possible d'être artiste, artisan, et voilà. Touche à tout, au fond. Toucher plein de secteurs. Ici, un secteur que j'avais peut-être pas trop vu venir, c'est celui d'Éric Vémin, qui est coutelier. Oui, alors lui, il est coutelier en spécialité de couteau. C'est la technique du damas, c'est-à-dire que c'est des métaux, donc du métal qui va plier, replier, replier, replier encore, etc. sur lui-même à chaque fois. Ce qui fait que une couche de métal, il va passer à deux couches, de 2 à 4, de 4 à 8, ainsi de suite. Alors je ne sais plus combien de couches il met en tout. Et lorsqu'il va forger donc son couteau, ces couches-là vont apparaître sur la lame en forme de dessin. C'est très joli aussi, ça c'est vraiment très très particulier quoi. Ah oui. Ah oui. C'est plutôt intéressant. Moi ça m'avait un petit peu donné l'idée d'une pâte feuilletée, mais je suis pas sûre que ce soit possible de faire de l'art avec de la pâte feuilletée. Et donc après il fait le manche, il travaille le manche, etc. et le montage. Voilà. Et lui ça fait aussi longtemps qu'il a intégré l'association. C'est vrai qu'on pose pas la question. L'association presque tout le monde à part donc Jonathan, qui est son fils à Eric, qui est arrivé le dernier. Après, voilà, tout le monde a adhéré plus ou moins en accord. Mais je dirais que sous le principe, tout le monde a adhéré. Maintenant, tout le monde adhère vraiment à la sauce. Voilà, c'est vraiment des choses qui... On n'y est pas... Enfin, je dis on, parce qu'on était deux au départ au niveau de la sauce avec Anne. Et on n'y est pas allé brut dedans, quoi. Dire, il faut absolument être dans la sauce. On a présenté ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on avait fait un petit peu l'exposition avant, pour montrer ce qu'on faisait. Les rôticards. Et ensuite, les gens sont venus presque naturellement adhérer à la sauce, parce qu'ils ont vu que c'était une équipe qui voulait y aller, quoi. Oui, une équipe qui veut fonctionner ensemble et pas se tirer dans les pattes. Non, et d'ailleurs, de la liste que tu m'as donnée, il en reste un, donc on va peut-être le présenter. Un certain Georges-Alexis Houffin. Quel est son talent? Alors lui, c'est pareil, il est arrivé dans la sauce un petit peu plus tard, mais c'est peut-être le plus connu finalement, peut-être pas lui personnellement, mais ce qu'il fait, puisqu'il s'occupe de la gestion et des fabrications des maquettes du parc miniature à Plombières. Ah, donc voilà. Lui, il est il est directement lié à une autre attraction touristique voilà. du secteur. C'est une attraction, enfin un site qui était avant sur Saint-Amé et qui a été transféré à Plombières d'ici il y a déjà quelques années. Et donc c'est une idée qui avait été lancée par son père ou son grand-père. Enfin bref, maintenant c'est lui et son fils qui ont repris le flambeau. Et voilà. Et il fait partie, il est inscrit au niveau de la Chambre des métiers en tant que métier d'art, puisqu'ils conçoivent les maquettes et réalisent les maquettes. Oui, ça c'est pour Georges-Alexis Houffin. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, vous pouvez déjà faire un tour au parc miniature. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ces différents ateliers, ce circuit d'ateliers que tu as fait avec l'Office de tourisme, si je ne me trompe pas. Alors le plan, on a réalisé donc un plan, ça fait partie de nos projets donc, de l'association. Un plan qui a été dessiné par... Bertrand Capu, qui est un architecte également et qui fait aussi des très très jolis dessins. Et donc, c'est lui qui a réalisé ce plan. Donc, ce plan est là vraiment pour situer les ateliers à l'intérieur de Plombières et aux extérieurs également. Bon, après, ceux qui sont sur Plombières ont tous une boutique, si on veut. Mais par contre, c'est vrai que beaucoup de gens qui passent sur Plombières disent que c'est malheureusement fermé, il y a beaucoup de magasins fermés, etc. Nous, on n'échappe pas à la règle puisque on n'est pas tout le temps 24-24 dans nos ateliers, hein, forcément. Oui. Et qu'on est quelques-uns aussi à avoir des activités extérieures, donc de par rapport qui font tourner un petit peu la marmite, quoi, hein, parce que bon, le métier ne rapporte pas suffisamment pour voilà. On parlera dans quelques instants, peut-être même juste après la pause musicale, de la précarité de la vie d'artiste. Mais tant que j'y pense, hein, juste pour clore un petit peu la question sur le tourisme, c'est quand même une espèce. Enfin, le fait de faire cette carte, ça finit par devenir aussi une espèce d'attraction touristique. Bah, tout à fait, oui, oui, bien sûr, oui, oui, c'est fait un peu pour ça, c'est pour que les gens viennent nous voir, hein, ça c'est évident. Donc ce plan-là va être finalisé et sera présenté, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard au niveau de l'imprimeur. On sera présenté au Forum des associations le samedi 8 septembre, je ne crois pas me tromper sur la date, ça doit être ça. Donc on présentera donc le nouveau plan. Après, ce plan sera effectivement distribué dans nos ateliers d'une part, et également dans les offices de tourisme, chez les hébergeurs, dans les hôtels, enfin voilà, un petit peu partout, et aux alentours de plombières également, bien sûr, hein. Oui. Voilà, toujours pour la mise en avant en fait de votre art à tous, parce que l'union fait la force, et ça fait la force aussi, ça peut donner plein de choses très étonnantes. Et d'ailleurs, le dernier morceau qu'on va s'écouter est plutôt étonnant, c'est le morceau Science de System of a Down. Restez bien assis, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi pour moi c'est une œuvre d'art. Je vous laisse écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours pour parler de la source des artisans de plombière avec Lucas Thiria. Et si vous voulez réagir, interagir avec nous, c'est toujours possible en direct, hein, donc de 18h à 19h, toujours sur la page Facebook Radio Gamozo ou au téléphone, hein, au 03 29 62 40 40. Et on a présenté déjà les différents artistes qui font qui sont de plombières, et il y en a d'autres encore, et aussi le lien que vous avez avec Eroticar, même l'important travail en fait avec l'office de tourisme, parce qu'après tout on en a parlé juste avant la pause musicale, le statut d'artiste c'est un statut plutôt précaire. Ah, les statuts d'artiste effectivement restent difficiles à... On dépend vraiment de la vente hein, de nos pièces. Hein. Encore que moi, en tant qu'artisan, c'est pas tout à fait la même chose, parce que moi, je travaille beaucoup sur des commandes. Donc, mais l'artiste, lui, fait ses œuvres et les propose. Donc après, ça marche pas. C'est pas toujours. C'est vraiment très en dents de scie et il faut pouvoir assurer quand même. C'est pas évident. Et aussi, ce qui peut être compliqué aussi, donc dans le statut, c'est vrai que tu as bien fait de rectifier aussi artiste et artisan, bien sûr, parce que les artisans sont aussi des artistes d'une certaine manière, et tu es aussi un artiste vitrailliste, je rappelle. Oui, je disais, c'est un statut difficile, c'est un statut précaire, déjà rien qu'au niveau salarial, au niveau, on va dire... monétaire, hein, c'est un petit peu, c'est aléatoire, et j'imagine que l'un va pas sans l'autre, c'est difficile d'avancer si on n'est pas connu, mais c'est difficile de se faire connaître, enfin, j'imagine que c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est un petit peu compliqué, oui, c'est un petit peu compliqué, donc j'espère qu'avec le mouvement qu'on est en train de créer tout doucement, mais qui avance quand même, on va peut-être donner un petit peu plus de chance à tout le monde pour qu'on soit un peu plus connu et un peu plus... acheter, quoi. Enfin, voilà, qu'on puisse vivre un peu mieux de ce qu'on aime faire. Quoi. Oui, parce que comme tu le disais, l'union fait la force. En un an, pas encore et demi d'existence, les choses ont évolué pour les différents artistes faisant partie de l'association. Il y en a qui évoluent. C'est vrai que cette année, en artistique, il y a eu pas mal de choses qui sont pas trop mal passées. Là, j'étais avec Innocence cet après-midi. Pour lui, ça va un petit peu mieux. Mais bon, voilà, est-ce que c'est lié vraiment à la sauce? Je ne sais pas. Hein. C'est toujours difficile de juger si c'est vraiment l'effet à sauce ou pas. Enfin, voilà. Mais quel que soit, il faut continuer à le faire. Il faut... Voilà. C'est un petit plus pour tout le monde, je pense, et voilà, un petit plus à droite, un petit plus à gauche, et puis voilà, à force on y arrivera, quoi. En parlant de petits plus, hein, ce qui est bien un plus, c'est de se retrouver à plusieurs pour organiser des expositions. Oui, parce qu'une exposition tout seul, c'est peut-être pas forcément évident, mais à plusieurs, au moins, on peut dire, il y a de la matière, de la variété à proposer pour attirer plus de monde. Et en plus de l'Eroticar, est-ce que vous avez organisé d'autres événements, d'autres expositions? Alors cette année, ça a été un petit peu difficile parce que bon, c'est les mises en place. Hein. Alors il faut savoir qu'actuellement, la mairie nous cède, c'est pas vraiment nous cède, mais nous avons à disposition une salle qui est au centre-ville et où on peut faire des expositions. Ils ont refait l'intérieur, repeint, enfin, etc. Tout est propre et tout est bien fait. Et donc là, on peut bénéficier de cette salle, je dirais, quasiment comme on veut. Donc pour l'instant, on a fait une exposition avec Bertrand Capu, donc celui qui a réalisé le plan, et Antoine Hézier, qui nous a prêté ses toiles, puisque lui, il n'est pas là. Et donc... on a ouvert une semaine ou deux là sur dernièrement pour montrer ces pièces-là. Donc là, pour l'instant, ça va être les seuls. On n'a pas d'autres pour l'instant. Ça va être un petit peu de bric et de broc sur le reste de l'année. Mais par contre, pour l'année prochaine, on essaye au maximum donc de mettre en place un programme bien clair avec des artistes et les différentes techniques, que ce soit en peinture, sculpture ou artisanat, hein, puisqu'il va y avoir, on veut vraiment essayer de faire les deux thèmes. Quoi. D'ailleurs, Bertrand Capu et Antoine Hézier ne font pas forcément partie de l'association. C'est peut-être non. Bertrand Capu. Non, pas spécialement. Hein. Non. Bertrand, je crois, s'il a pris s'est inscrit, et Antoine, non. Mais bon, voilà, c'est pas une obligation de faire partie de la sauce pour être exposé. Hein. Non, justement, en fait, c'est ça que je voulais souligner. C'est pas, cette association n'est pas un cercle clos sur lui-même. Pas hein, ça s'ouvre à d'autres. Ça veut aussi permettre à d'autres de se faire connaître, de faire connaître leur travail et peut-être de trouver des personnes réceptives aussi à ce qu'on fait en fonction de l'art ou de l'artisanat qu'on exerce. Et d'ailleurs, peut-être rappeler aux auditeurs comment, s'il y a peut-être des artistes qui nous écoutent, comment c'est possible d'intégrer l'association ? Bah, soit sur la page Facebook, nous contacter, ou alors nous contacter, nous, je dirais plus Anne ou moi, quoi, hein, puisqu'on est les deux, je dirais, les pas la tête, mais je veux dire un peu plus impliqués. Donc voilà, nous contacter. Donc bah, on peut se retrouver bah, sur les pages Facebook hein, aussi, hein, que ce soit Anaxer ou moi, il n'y a pas de problème. Et tu m'as dit aussi, il y a une cotisation annuelle à donner de 10 euros. 10 euros, oui. On va parler de sous dans quelques instants, mais on va, avant de parler d'argent, parler de projets. Est-ce que l'association a des projets en ce moment à mettre en avant ? Bah, le gros projet, donc c'est d'établir un programme pour l'année prochaine. Ça, c'est vraiment le plus important. Évidemment, Erotica 2019 hein, à préparer pour février 2019. Et puis voilà, ça c'est vraiment les gros projets pour l'instant. Il y a un autre projet que j'ai vu sur la page Facebook qui alors n'est pas tout à fait de la source des artisans. Je crois même que ça vient de toi initialement. Le projet Apporter votre verre à l'édifice. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus aux auditeurs ? Alors c'est un projet d'art urbain. Donc c'est une pièce, une œuvre sur un mur qui se trouve en face de mon atelier et qui fait à peu près 300 mètres à peu près, entre 200 mètres à peu près, voilà, et dans lequel il y a des alvéoles creusées dans le béton que je vais remplir de verre, enfin remplir, mettre un morceau de verre pour boucher cet orifice, enfin ce truc. Et donc, sur la longueur du mur, il va y avoir donc différentes couleurs qui vont être mises en place. Et c'est un projet participatif, c'est-à-dire que chaque morceau de verre, vous pouvez parrainer chaque morceau de verre pour donner un petit coup de main et participer à l'œuvre. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu en fait le lien entre toi et l'association, enfin la source des artisans, c'est que déjà il est possible de parrainer un morceau de verre, enfin parrainer oui, c'est oui. Participer en fait voilà. Financièrement au projet, et il est possible, si je ne m'abuse, de donner plus, et le surplus sera reversé à l'association, voilà, c'est ça. La source des artisans. Voilà. Bah oui, parce qu'on a besoin, comme tout assoce, hein, on a besoin de finances. Parce que plus on va monter dans les projets, plus on va avoir besoin d'argent. Hein. C'est évident pour la communication, etc., pour tout. Hein. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir ne serait-ce que rembourser les frais des artistes qui viennent, pouvoir les héberger, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de frais qui peuvent arriver. Il faut trouver des sous, quoi. Oui, il faut en effet pouvoir éponger tout ça. Et pour ceux qui loupent le coche en fait de ton événement, apporter votre verre à l'édifice, c'est quand même possible de donner sinon des dons à l'association. Ah bah, tout à comme fait, ça. Oui, bien sûr. oui. en sachant que ces dons-là peuvent être déduits des impôts. Hein. Nous avons les papiers comme quoi la préfecture nous a reconnus en tant qu'association. Pouvant faire bénéficier de réduction d'impôts aux donateurs. Voilà. Oui, donc l'appel est lancé. Le moyen de vous trouver, c'est via votre page Facebook. Vous avez un site internet, peut-être ? Non, tout ça, c'est encore en construction, enfin, à faire, quoi. Voilà. On a un petit peu. Bon, ça fait qu'un an. Hein. Oui, mais on le donnera aux auditeurs quand on l'aura trouvé. Mais dans tous les cas, il y a la page Facebook, hein, là où tu as dit, toi et Anne, Axer, être réactif, hein, fait, oui. facile à joindre, donc joignable. Voilà, je cherchais le mot. Ensuite, on trouve nos numéros de téléphone un peu voilà, sur plombière, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Oui, en effet, c'est pas spécialement difficile de vous contacter. Voilà. Il suffit juste de le vouloir, un tout petit bout de volonté, et les choses sont faites. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est qu'aussi l'émission est faite, vu qu'il est presque 19h. Donc, avant de se dire hélas, déjà au revoir, ce sera déjà le moment de faire la programmation de la soirée. Donc, de 20h à 21h, vous aurez l'occasion d'écouter Michel pour son émission La parole est à vous. Puis, à 22h, j'ai aimé, je vous le lis à avec Dominique, puis rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant demain matin de 7h à 8h. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera mise en podcast dans la soirée hein, sur la page Facebook Radio Guémouzo ou sinon sur notre site internet radioguémouzo.eu, rubrique émission et rediffusion, l'heure des loups, hein, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordi, sur smartphone aussi, peu importe le système d'exploitation, ça marche. Et après rediffusion d'une minute bonheur de l'IA, suivie d'à 8h30 la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de mercredi. Et on se retrouvera mercredi 18h, 19h pour parler de cause animale, cette fois l'association Romarie Montaigne Chasse en Famille. Donc on va se faire un petit point chat et chat abandonné, bien entendu. Donc on se retrouve demain matin 18h, 19h, comme je le disais, pour en savoir plus. Lucas, merci beaucoup pour ta présence. Merci C'est beaucoup. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour tes réponses. J'espère, on suivra l'association pour en savoir plus, pour voir comment ça se passe, pour continuer à vous faire connaître, parce qu'après tout, c'est tout à fait possible à Radio Guémouzo. Et voilà, merci beaucoup. Merci aux auditeurs aussi pour leur écoute, pour leur retour. C'était vraiment un plaisir de faire cette émission avec toi, Lucas, pour tout le monde. Merci, au revoir. Et oui, c'est vrai, c'est l'heure du dîner. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Et à demain, rendez-vous, même heure, sur Radio Guémouzo. Bonne soirée à tous.